Compréhension de l'oral. S'entraîner. 1. Identifier un événement. Exercice 1. Allô? Bonjour, c'est Hugo. Avec mes amis, Carlos et Anna, nous allons au cinéma mardi soir. Est-ce que tu veux venir? Il y a un super film sur le nord de la France. Rendez-vous à 18h30 devant le cinéma. Tu peux venir avec Carmen, bien sûr. Appelle-moi. À bientôt.